Les trois Garideb par Arthur Conan Doyle. Nous étions à la fin de 1902. La guerre sud-africaine venait de se clore. Holmes, qui avait passé plusieurs jours au lit comme c'était de temps en temps son habitude, en sortit un beau matin, tenant un gros manuscrit de papier ministre. Dans ses prunelles grises, généralement sévères, dansait un rayon de gaieté. « Ami Watson, me dit-il, voici pour vous une occasion de gagner quelque argent. Connaissez-vous le nom de Garideb ?» Je lui répondis que je l'entendais pour la première fois. « Eh bien, mettez la main sur un Garideb et vous aurez fait une bonne affaire. Comment cela ? Oh, c'est toute une histoire, et des plus singulières. Notre client sera là tout à l'heure, nous l'interrogerons. Je ne m'explique donc pas davantage. Ce qu'il nous faut tout d'abord, c'est le nom. » L'annuaire des téléphones se trouvait à ma portée sur la table. Je le feuilletais sans grand espoir. Quel ne fut pas mon étonnement de voir l'étrange nom à sa place alphabétique. Je poussai un cri de triomphe. « Ça y est, Holmes, nous l'avons. » Holmes me prit des mains l'annuaire. « Garideb N. » lui-t-il. « 136 Little Rider Street, W. »« Bien fâché de vous détromper, Watson, mais ce Garideb-là est celui-même qui nous a écrit. Témoin l'en-tête de sa lettre. » C'est d'un autre que nous avons besoin pour faire la paire. » Mrs. Hudson venait d'entrer portant une carte. Je me saisis de la carte et la regardai. « Mais le voici, » m'écriai-je tout effaré. « Le voici, cet autre, John Garideb, avocat conseil, Mooreville, Kansas, États-Unis d'Amérique. » Holmes sourit en regardant le Bristol. « Je crains d'avoir encore un effort à vous demander, Watson. » « Ce gentleman, lui aussi, est dans l'affaire. » À vous dire vrai, ce n'est pas lui que j'attendais ce matin. N'empêche qu'il peut nous donner bien des renseignements utiles. » Là-dessus, M. John Garideb fit son apparition. Ce juriste était un homme puissant, ramassé, avec un de ses visages ronds, frais, irréprochablement rasé, qui caractérise si souvent en Amérique l'homme d'affaires. Dans l'ensemble, il avait quelque chose de dodu et d'enfantin. Et le large sourire installé sur sa figure accusait encore son air d'extrême jeunesse. Ses yeux, toutefois, vous impressionnaient. Je n'ai vu que rarement chez un homme deux yeux déceler une pareille intensité de vie intérieure, tant ils étaient brillants, éveillés, tant ils obéissaient au moindre mouvement de la pensée. À part son accent, qui était américain, il n'y avait dans sa façon de parler rien qui le singularisât. « Monsieur Holmes, demanda-t-il, nous regardant tour à tour mon ami et moi. Ah oui, vos portraits ne vous trahissent pas trop, monsieur, si je puis dire. Vous avez dû, à ce que je présume, recevoir une lettre de mon homonyme, M. Nathan Garideb. Veuillez vous asseoir, répliqua Sherlock Holmes. Nous avons sans doute à causer. Et prenons son cahier de papier ministre. Il va de soi que vous êtes M. John Garideb mentionné dans ce document. Sauf erreur, voilà quelque temps déjà que vous habitez l'Angleterre. Où voyez-vous cela, M. Holmes ? Et dans les yeux expressifs de M. John Garideb, il me sembla lire une suspicion subite. Tout dans votre habillement est de confection anglaise. M. Garideb eut un rire forcé. Ce qu'on a écrit de vous, M. Holmes, m'a renseigné sur vos petites malices, mais je ne pensais pas leur servir jamais de prétexte. Enfin, où voyez-vous que je ne suis pas débarqué d'hier ? La façon dont votre veston est coupé aux épaules, la pointe de vos bottines, qui s'y tromperait ? Bon, je ne savais pas des dehors si évidemment britanniques. En effet, mes affaires me retiennent dans ce pays depuis un certain temps, et à peu près tout ce qui m'habille est de Londres. Mais je suppose que votre temps est précieux, et que nous ne sommes pas ici, vous et moi, pour discuter sur la forme de mes chaussettes. Et qu'est-ce que ces papiers que vous lisez ? Holmes avait dû froisser notre visiteur, car le visage replet de l'Américain avait pris une expression moins aimable. Patience, patience, monsieur Garideb. Le docteur Watson vous dirait que les petites digressions auxquelles je me livre ont parfois, au bout du compte, quelque rapport avec le fond du sujet. Pourquoi M. Nathan Garideb ne vous a-t-il pas accompagné ? Et pourquoi aussi bien vous a-t-il mêlé à tout ceci ? Demanda John Garibed dans une explosion de colère. Qu'aviez-vous à y voir ? Il n'y a ici qu'une question professionnelle entre deux gentlemen, et l'un d'eux sent le besoin de faire appel à un détective. Je l'ai vu ce matin. Il m'a informé de sa démarche, c'est la raison de ma venue. Mais je ne vous cache pas que je suis très contrarié. Cette démarche n'avait rien qui vous visa, monsieur Garideb. Elle montre simplement le zèle de votre homonyme pour obtenir un résultat qui, si je l'entends bien, est pour vous deux d'une importance également capitale. Il savait que j'ai des moyens d'information, d'où son idée très naturelle de recourir à moi. » La figure de John Garrideb s'éclaira peu à peu. « Cela, dit-il, change l'aspect des choses. Quand j'allais le voir ce matin, il m'annonça qu'il s'était mis en relation avec un détective. Je lui demandais votre adresse et me voilà. Je ne tiens pas à mettre la police dans une histoire qui ne regarde personne. Mais s'il vous plaît de nous aider à trouver l'homme que nous cherchons, je n'y vois pas d'inconvénient. À la bonne heure, dit Holmes. Et donc, monsieur, puisque vous avez pris la peine de venir, le mieux est, je crois, que vous nous exposiez vous-même l'affaire. Mon ami n'en connaît aucun détail. » M. Garrideb m'examina d'un œil assez peu favorable. « Est-il nécessaire que votre ami... » demanda-t-il. « Nous avons coutume de travailler ensemble. » « Après tout, rien ne commande le secret. Je tâcherai d'être aussi bref que possible. Si vous étiez du Kansas, je n'aurais pas à vous apprendre qui était Alexandre Garrideb. Il avait gagné sa fortune d'abord en exploitant un domaine agricole, puis en spéculant sur les blés à Chicago. Mais il l'avait placé tout entière en achat de terrain, dont il avait acquis une étendue aussi considérable que celle d'un de vos comtés, le long de la rivière Arkansas, à l'ouest de Fort Dodge. Il y avait là des pâturages, des coupes de bois, des champs, des mines, tout ce qui se traduit en dollars pour le propriétaire. Alexandre Hamilton Garrideb n'avait ni parents ni amis, du moins, s'il en avait, je ne l'ai jamais su. Mais la bizarrerie de son nom lui était comme un sujet de gloire. C'est ce qui nous rapprocha. J'étais homme de loi à Topeka. Un jour, le vieillard me rendit visite. Il ne se sentait pas d'aise de trouver un homonyme et mourait du désir de savoir s'il existait d'autres Garrideb de par le monde. « Trouvez-moi d'autres, » me dit-il. Je lui répondis que j'avais mes occupations et ne pouvais passer ma vie à battre l'estrade en quête de Garrideb. « C'est pourtant ce que vous ferez, » me répliqua-t-il, « si mes intentions se réalisent. » Je crus qu'il plaisantait. Je n'allais pas tarder à vérifier le sérieux de ses paroles. Effectivement, il mourut à un an de là, laissant un testament, et quel testament! Le plus baroque que jamais été enregistré au Kansas. De ses biens, il faisait trois parts, dont il m'attribua l'une, à la condition que je trouvais deux Garrideb pour les deux autres. Il s'agit de 5 millions de dollars au bas mot pour chacun des intéressés, mais impossible d'y toucher si nous ne nous présentons pas tous ensemble. La chance qui s'offrait à moi était si forte que je plantai là mes clients pour ne m'occuper plus que des Garrideb. Il n'en existe pas aux États-Unis. S'il eût existé, le râteau que j'ai promené partout l'eût ramené entre ses dents. Je passai en Angleterre. Un des Garrideb avait son nom dans l'annuaire des téléphones de Londres. J'allais le voir il y a 2 jours et lui expliquai l'affaire. C'était comme moi, un individu très seul. Ses rares parents sont tous des femmes. Le testament parle de 3 hommes adultes. Vous voyez qu'il nous manque le 3e. Aidez-nous à combler cette lacune, nous acceptons d'avance le prix qui vous conviendra. « Eh bien, Watson, » fit Holmes en souriant, « ne vous le disais-je pas que l'affaire était drôle ? Je recrus, monsieur, que vous aviez un moyen de recherche tout indiqué. Pourquoi ne pas faire des annonces dans la presse ? J'en ai fait, monsieur Holmes, je n'ai pas eu de réponse. En vérité, nous voici ma foi. » En présence d'un très curieux petit problème. Je vais regarder à loisir. Soit dit en passant, quelle chose singulière que vous veniez de Topeka. J'avais là-bas un correspondant, aujourd'hui mort, le vieux docteur Lysander Starr. Il était en 1890 maire de la ville. « Ce bon vieux Starr !» s'écria notre visiteur. Sa mémoire est toujours honorée de ses concitoyens. « Allons, monsieur Holmes, il ne nous reste plus sans doute qu'à vous tenir au courant des événements. » J'espère que d'ici 1 ou 2 jours, vous aurez de nos nouvelles. » Sur cette assurance, l'Américain s'inclina et sortit. Holmes, sa pipe allumée, demeurait depuis un moment immobile sur son siège. Un sourire ambigu lui fronçait le visage. « Eh bien ? » lui demandai-je. « Eh bien, Watson, j'étais en train de m'interroger. Je me demandais une chose, laquelle ? » Holmes retira sa pipe de ses lèvres. Je me demandais quelle idée pouvait avoir cet homme en déroulant devant nous un pareil tissu de mensonges. J'ai failli le lui demander à lui-même, car il est des cas où une brutale attaque de front est la meilleure des tactiques. Mais j'ai préféré lui laisser croire qu'il se jouait de nous. Voilà un monsieur dont le veston confectionné en Angleterre était limé au coude, dont le pantalon trahit, à la déformation des genoux, l'usage d'une année. Et pourtant, si j'en crois ce document, si je m'en rapporte à sa propre déclaration, c'est un provincial d'Amérique récemment débarqué à Londres. Il n'a pas fait de publicité dans les journaux. Vous savez qu'il n'y a rien que je laisse passer à la colonne des petites annonces. Elle est le couvert favori d'où je fais lever le gibier. Et j'y aurais, vous le pensez bien, remarqué un faisan de cette espèce. Je n'ai jamais connu un docteur Lysander Star de Topeka. Le personnage est inventé de toutes pièces. J'admets que votre visiteur soit américain, mais des années de séjour à Londres auront beaucoup atténué son accent. Quel jeu joue-t-il? Que dissimule son absurde recherche des Gary Deb? La question mérite examen, car supposer que nous devions le tenir pour un fripon, c'en est un retors et ingénieux. Reste à savoir si le Gary Deb qui nous écrit est de la même farine. Téléphonez-lui donc, Watson. Je sonnai au téléphone. Une petite voix chevrotante se fit entendre à l'autre bout du fil. « Oui, parfaitement. Je suis M. Nathan Gary Deb. M. Holmes, n'est-ce pas? Je serais heureux d'échanger deux mots avec M. Holmes. » Mon ami prit l'écoute, et j'assistai à l'habituel dialogue syncopé. « Oui, il sort d'ici. Vous dites que vous ne le connaissez pas. » « Combien de temps ?»« Seulement deux jours. » « Oui, oui, bien entendu. C'est une perspective attrayante. » « Vous serez chez vous ce soir ?» Sans votre homonyme, n'est-ce pas? Très bien. En ce cas, nous viendrons. Je préfère vous entretenir sans lui. Le docteur Watson m'accompagnera. J'avais cru comprendre par votre lettre que vous ne sortiez pas souvent. Nous serons là vers 6 heures. Inutile de parler de nous à l'américain. Très bien, au revoir. Une belle journée de printemps inclinait vers son crépuscule. Même la petite Ryder Street, l'une des plus humbles rues qui rayonne de l'Edgewell Road, proche de Tyburn, à la distance d'un jet de pierre de l'endroit où s'élevait le gibet célèbre, resplendissait tout en or sous les feux obliques du couchant. La maison vers laquelle nous nous dirigeons était un vaste et antique édifice de la première époque des Georges, avec une façade de briques toute plate, coupée seulement par 2 grandes baies en saillie au rez-de-chaussée. C'est à ce rez-de-chaussée qu'habitait notre client. Les fenêtres basses étaient celles de la grande pièce où il se tenait le jour. En passant, Holmes me fit remarquer à l'entrée la petite plaque de cuivre sur laquelle se lisait le nom bizarre. « Voyez comme elle est décolorée, » me dit-il, « preuve qu'elle est là depuis des années. Preuve aussi qu'elle porte un nom vrai, ce qui ne saurait nous être indifférent. » La maison avait un escalier à usage commun. Les nombreuses inscriptions du vestibule désignaient soit des bureaux, soit des appartements privés, moins logement de famille que garçonnière. Nathan Gary Deb nous ouvrit lui-même sa porte, en s'excusant sur ce que sa femme de charge se retirait à 4 heures. C'était un homme d'une 60aine d'années, très grand, dégingandé, voûté, maigre et chauve. Il avait une mine de cadavre et ce teint blafard où l'on reconnaît le défaut total d'exercice. De grosses lunettes rondes et une barbiche de bouc se combinaient avec son attitude penchée pour lui donner un air de curiosité scrutatrice. L'aspect général était d'un aimable excentrique. Non moins pittoresque que lui, sa chambre faisait l'effet d'un petit musée. Elle était à la fois large et longue, garnie partout de placards, de vitrines, où s'accumulaient pêle-mêle des spécimens géologiques et anatomiques. Des boîtes de papillons, diurnes et nocturnes, flanquaient l'entrée. Sur une table centrale, toutes sortes de détritus s'amoncelaient, d'entre lesquels émergeait le tube d'un puissant microscope. Promenant les yeux autour de moi, j'admirais l'universalité des sujets qui intéressaient notre homme. Ici, des monnaies anciennes, là, des cailloux. De l'autre côté de la table, une vaste armoire pleine d'ossements fossiles. Au-dessus, des moulages de crânes, étiquetés, par exemple, Néandertal, Heidelberg, Cro-Magnon. Il était clair que Nathan Gary Deb variait ses études. Dans l'instant présent, debout devant nous, il faisait, avec une peau de chamois, reluire une pièce de monnaie. « Syracusaine, » nous dit-il, en nous la présentant, et de la meilleure époque. Ces gens-là dégénérèrent par la suite. Mais à leur apogée, ils furent, à mon avis, incomparables, bien que certains amateurs leur préfèrent l'école d'Alexandrie. Vous trouverez là une chaise, monsieur Holmes, mais permettez que je la débarrasse de ses os. Vous, monsieur? Ah oui, le docteur Watson. Si vous vouliez avoir l'obligeance d'écarter ce vase du Japon, vous me voyez entouré de tout ce qui m'intéresse un peu dans la vie. Mon médecin me sermonne parce que je ne sors jamais. Pourquoi sortirais-je quand j'ai ici tant de choses qui me retiennent? Rien que de cataloguer une de ces vitrines me demanderait 3 mois de travail. » Holmes, d'un regard circulaire, inspectait toute la pièce. « Vous dites que vous ne sortez jamais ? » fit-il. « De temps à autre, je vais en voiture jusque chez Sotheby ou chez Christie. À cela près, je quitte rarement cette chambre. Je ne suis pas très valide et mes recherches m'absorbent énormément. Vous concevez, monsieur Holmes, quelle émotion j'éprouvais, terrible en même temps qu'agréable, en apprenant la chose inouïe qui m'arrivait. Il ne s'agit que de trouver un Gary Deb pour que je dispose d'une fortune. Comment ne le trouverions-nous pas ? J'avais un frère, malheureusement mort aujourd'hui, et la volonté du testateur exclut les femmes. Mais il y a, j'en suis sûr, d'autres Gary Deb sur cette terre. J'ai su que vous vous occupez d'affaires peu communes, c'est pourquoi je vous écris. Naturellement, ce monsieur américain a raison. J'aurais dû prendre d'abord son avis. Voyez-vous, j'ai agi pour le mieux. Vous avez, dit Holmes, agi de la façon la plus sage. Mais est-ce que vraiment, vous avez une telle envie de posséder un domaine en Amérique ? Non, certes, monsieur. Aucun motif ne sera assez puissant pour me faire abandonner mes collections. Mais ce monsieur me promet qu'aussitôt mes droits reconnus, il m'achètera ma part. 5 millions de dollars, c'est un chiffre. Il y a présentement sur le marché une douzaine de spécimens dont je sens le manque chez moi et que je ne peux acheter faute de quelques centaines de livres. Pensez à ce que je ferai avec 5 millions de dollars. J'ai le noyau d'une collection nationale. Je serai le Hans Sloan de mon époque. Les yeux de notre interlocuteur brillèrent sous ses grosses lunettes. Il était clair que Nathan Gary Deb ne reculerait devant aucun effort pour se trouver un homonyme. « Je ne suis venu ici que pour faire votre connaissance, » lui répondit Holmes. « Il ne servira à rien que j'interrompisse vos travaux. Je vois toujours de l'avantage à me mettre en rapport personnel avec les gens à qui j'ai affaire. Votre lettre, que j'ai dans ma poche, ne me laisse guère de questions à vous poser. Elle est fort explicite. » Et pour ce qui me restait à savoir, je m'en suis éclairci près du monsieur américain lors de sa visite. Sauf erreur, vous ignoriez totalement jusqu'à cette semaine l'existence de ce monsieur. Totalement. Il est venu me voir mardi. Vous a-t-il fait part aujourd'hui de notre entretien ? Sur le champ. Il avait eu un moment de colère. Motivé par quoi ? Par le sentiment, je crois, qu'on avait mis en doute son honorabilité. Mais la bonne humeur lui était revenue. Vous a-t-il parlé d'un programme à suivre ? « Non, monsieur, non. Lui avez-vous remis, ou du moins vous a-t-il demandé de l'argent ? Jamais. Vous ne supposez pas qu'il puisse avoir d'autre but ? Que celui qu'il avoue ? Pas d'autre. L'avez-vous informé de ce rendez-vous et de notre conversation téléphonique ? Oui, monsieur. » Holmes se perdit dans ses réflexions. Je le voyais perplexe. « Avez-vous dans votre collection quelque objet de grand prix ? Non, monsieur, je ne suis pas riche. Ma collection est bonne, elle n'est pas très précieuse. » Vous ne craignez pas qu'on vous vole ? Pas du tout. Combien y est-il de temps que vous habitez ici ? Près de 5 ans. L'interrogatoire semblait devoir se continuer quand un coup impérieux fut frappé à la porte. Et notre client l'avait à peine ouverte que l'Américain s'élançait dans la chambre. « Vous êtes là, monsieur Holmes ? » s'écria-t-il au comble de l'excitation et brandissant dans l'air un journal. « J'espérais arriver à temps pour vous trouver. » Monsieur Nathan Gary Deb, mes félicitations, vous êtes un homme riche. Notre affaire est terminée et bien terminée. En ce qui vous concerne, monsieur Holmes, nous ne pouvons que regretter de vous avoir causé un dérangement inutile. Se disant, il tendait le journal à notre client, qui demeura comme cloué sur place, les yeux dilatés, à la vue d'une certaine annonce. Holmes et moi, nous nous penchâmes pour lire par-dessus son épaule. L'annonce était ainsi conçue. Howard Gary Deb, constructeur de machines agricoles, lieuse, moissonneuse à vapeur et à main, semoir, herse, charrette de ferme, tape-cul, articles en tout genre. Devis pour puits artésiens, s'adresser Grosvenor Building, Aston. Merveilleux, fit notre client d'une voix entrecoupée. Nous tenons le troisième Gary Deb. J'avais entrepris une enquête à Birmingham, dit l'Américain, et mon correspondant de là-bas m'envoie ce numéro de journal où il me signale cette annonce. Il faut qu'au plus tôt nous tirions la chose au clair. J'écris à M. Howard Gary Deb pour lui dire que vous le verriez à son bureau demain après-midi à 4 heures. Vous désirez que moi, j'aille le voir ? Demandez M. Holmes ce qu'il en pense. Ne serait-ce pas raisonnable ? Je suis un étranger, un Américain, et j'arrive avec une histoire fabuleuse. Pourquoi ce monsieur y ajouterait-il foi ? Vous, en revanche, vous êtes anglais, pourvu de solides références, on ne peut pas ne pas prendre en considération ce que vous dites. J'irai avec vous si vous y teniez, mais j'aurai demain une journée très chargée, et dans le cas d'une difficulté, je pourrai toujours vous rejoindre. Ma parole, dit Nathan Garrideb, il y a des années que je n'ai fait un pareil voyage. Un pareil voyage n'est rien, monsieur Garrideb. Je vous ai marqué sur un papier les heures des trains. Vous partez à midi, vous êtes à destination, un peu après 2 heures, vous rentrez le soir même. Vous n'avez qu'à voir votre homme, à lui expliquer l'affaire et vous procurer un certificat légal de son existence. Pardieu, ajouta l'Américain avec une certaine vivacité, si vous daignez vous souvenir que j'arrive du fin fond de l'Amérique, vous reconnaîtrez qu'un voyage de 100 000 est peu de choses pour en finir. En effet, approuva Holmes, l'observation est juste. Nathan Garrideb, l'air désolé, haussa les épaules. J'irai donc si vous le voulez absolument, fit-il. Car il m'est à coup sûr difficile de vous rien refuser quand vous apportez dans ma vie une si magnifique espérance. Voilà qui est conclu, dit Holmes. Et n'est-ce pas, on me fera savoir au plus vite le résultat de la démarche. Comptez sur moi, dit l'Américain. Puis, consultant sa montre, il faut que je m'en aille. Je serai là demain, monsieur Nathan, pour assister à votre départ. Vous venez de mon côté, monsieur Holmes? Non? Eh bien alors au revoir. Il est possible que demain soir nous ayons à vous donner de bonnes nouvelles. Je remarquai que l'Américain, sitôt parti, le visage de Holmes s'éclaira. N'y restait plus trace d'inquiétude. « J'aurai plaisir à jeter un coup d'œil à vos collections, monsieur Garrideb, dit-il. On ne s'instruit jamais trop dans ma profession. Et cette chambre est comme un magasin de connaissances. » Nathan Garrideb s'empourpra de satisfaction. Ses prunelles s'illuminèrent. « J'ai toujours compris, monsieur, dit-il, que vous étiez un homme très intelligent. Je ne demande pas mieux, si vous avez le temps, que de vous faire faire le tour de ce que je possède. Malheureusement non, je n'ai pas le temps. Mais ces spécimens sont si bien étiquetés et classés qu'à la rigueur je me passerai de vos explications personnelles. Peut-être n'y aurait-il pas d'inconvénient à ce que je vinsse les examiner demain. Il y en aura aucun. Vous serez le très bienvenu. Naturellement, l'appartement sera fermé. Mais Mrs. Saunders est toujours au sous-sol jusque vers 4 heures. Elle a une clé, elle pourrait vous introduire. À merveille. Je serai justement libre demain après-midi. Si vous lui préveniez, Mrs. Saunders, tout serait en règle. À propos de quelle agence dépend cet immeuble? La question posée à brûle-pourpoint étonna fort notre client. De l'agence Holloway et Steel, Edgware Road. En quoi cela vous intéresse-t-il? Je suis, en ce qui concerne les maisons, tant soit peu archéologue, répondit Holmes en riant. Je me demandais si celle-ci était de l'époque Rhénane ou George. De l'époque George, sans conteste. Vraiment? Je l'aurais cru plus ancienne. Cependant, c'est facile à reconnaître. Au revoir, monsieur Garrideb. Puisse votre voyage à Birmingham être un succès complet. L'agence que nous avait désignée, monsieur Garrideb, était toute voisine, mais nous la trouvâmes fermée et nous regagnâmes Baker Street. C'est seulement après le dîner que Holmes revint à l'objet de son enquête. Notre petit problème touche à sa solution, me dit-il. Sans doute vous en apercevez les grandes lignes. Je n'y vois ni tête ni queue, répondis-je. La tête est assez apparente. Pour la queue, nous verrons demain. Est-ce que rien de spécial ne vous a frappé dans le texte de l'annonce? J'ai remarqué qu'un mot y était mal orthographié. Plow pour plow. Quoi, vous avez remarqué cela? Décidément, vous faites des progrès chaque jour, Watson. Oui, plow est du mauvais anglais, mais du bon américain. Le compositeur s'est conformé au texte remis. Buckboard également est un mot d'Amérique. Enfin, les puits artésiens sont en Amérique plus communs que chez nous. L'annonce, pour être censée venir d'une maison anglaise, est du type américain le plus pur. Qu'en déduisez-vous? Que l'Américain apparemment l'aura faite lui-même. Dans quelle intention, c'est ce qui m'échappe. On n'aurait que le choix entre bien les explications. Le certain, c'est qu'il voulait expédier à Birmingham notre brave fossile. Cela, du moins, est très clair. Et il ne tenait qu'à moi d'avertir M. Garrideb qu'on se moquait de lui. Toute réflexion faite, j'ai préféré en débarrasser le plancher et le laisser partir. Demain, Watson, demain, la vérité parlera d'elle-même. Holmes se leva de bon matin et sortit. Il revint à l'heure du déjeuner. Je lui trouvai la mine très grave. L'affaire, me dit-il, est plus sérieuse que je ne pensais, Watson. Il n'est que loyal de vous en prévenir, ne serait-ce que pour vous donner une raison supplémentaire de vous y lancer à corps perdu. Car je commence à vous connaître. Il y a du danger, vous ne devez pas l'ignorer. Ce n'est pas le premier que nous aurons couru ensemble, Holmes. Ce ne sera pas le dernier, j'espère. En quoi consiste-t-il cette fois? Nous avons affaire à très forte partie. j'ai identifié John Garrideb, avocat conseil. Il n'est autre qu'Evans, dit le tueur, coquin redoutable. Je ne comprends pas. Ah, ce n'est pas dans votre profession qu'on est obligé d'avoir constamment présent à l'esprit et tenu à jour un registre des pensionnaires de Newgate. Je suis allé voir à Scotland Yard notre ami Lestrade. On peut à Scotland Yard manquer parfois d'inventions imaginatives, mais on y donne l'exemple au monde pour ce qui est de l'organisation et de la méthode. J'avais idée que je m'y renseignerais utilement sur notre Américain. En effet, dans la galerie des portraits du malfaiteur, je vis sa bonne figure joufflue me sourire. James Winter, dit Moorcroft, dit Evans le tueur, portait l'inscription au-dessous de l'image. Holmes tira de sa poche une enveloppe. J'ai griffonné là quelques particularités de son dossier. Âgé de 44 ans, né à Chicago, a tué 3 hommes à coups de revolver aux États-Unis, évadé d'un pénitencier grâce à des influences politiques, venu à Londres en 1893, a de nouveau tué un homme d'une balle dans une bagarre à l'occasion d'une partie de cartes dans un club de nuit de Waterloo Road en janvier 1895. Mais on établit que les premiers torts venaient de la victime, en qui l'on identifia Roger Presbury, faussaire et faux monnayeur bien connu de Chicago. Evans le tueur fut relâché en 1901. Il est depuis sous la surveillance de la police, qui d'ailleurs n'a plus rien eu à lui reprocher. Homme très dangereux, habituellement armé, et prêt à faire usage de ses armes. Tel est l'oiseau, Watson, un oiseau pas ordinaire, convenez-en, mais notre affaire. Elle commence à se préciser. Je suis allé voir les gérants de l'immeuble. Notre client y demeure ainsi qu'il nous l'a déclaré depuis 5 ans. Auparavant, l'appartement qu'il occupe était resté vide toute une année. Le précédent locataire, un individu nommé Weldron, sans profession, avait disparu tout à coup et l'on n'avait plus jamais eu de ses nouvelles. On se le rappelle bien à l'agence. Il était grand, barbu, très brun. Or, Presbury, l'homme qu'Evans le tueur avait abattu de son revolver, était un homme grand, brun et portant toute la barbe. Pour les besoins de la cause, partons de cette hypothèse que Presbury, le criminel américain, habitait la chambre même dont l'innocent Garrideb a fait aujourd'hui son musée. Et vous voyez que nous tenons enfin un des anneaux de la chaîne. Holmes prit dans un tiroir un revolver qu'il me tendit. J'ai sur moi mon compagnon fidèle. Si notre ami, l'homme des savanes, tente de justifier son nom, il faut que nos mesures soient prises. Je vous accorde 1 heure pour votre sieste, Watson. Il sera temps ensuite de vous aventurer dans Ryder Street. 4 heures sonnaient quand nous arrivâmes à l'appartement de Nathan Garrideb. Mrs. Saunders, la femme de charge, était sur le point de partir. Elle n'hésita pas néanmoins à nous faire rentrer car l'appartement se fermait au moyen d'un bec de canne et nous lui promîmes de ne nous retirer qu'en laissant tout en ordre. Peu après, la porte de la rue était close, le bonnet de Mrs. Saunders passait le long de la baie fenêtre, nous restions seuls au rez-de-chaussée de la maison. Holmes fit un rapide examen des lieux. Il y avait dans un coin sombre une armoire un peu écartée de la muraille. À tout événement, nous nous blottîmes derrière ce meuble. Holmes me chuchota dans l'oreille ses instructions. L'Américain avait, c'est très net, besoin d'éloigner M. Garrideb. Celui-ci ne sortant jamais, il dut pour l'y décider s'aviser d'un stratagème. L'invention des 3 Garrideb n'a pas d'autre cause. Je dois dire, Watson, qu'elle témoigne d'une ingéniosité diabolique, mais m'en tenant compte de l'aide inespérée qu'apportait à l'Américain l'étrange nom du collectionneur. Tout fut combiné avec une astuce remarquable. Mais que veut donc l'Américain? Eh, voilà justement le hic. Autant que j'en puis juger, notre client n'a rien à y voir. C'est plutôt quelque chose qui a trait à ce Presbury, tué par Evans. Peut-être étaient-ils associés tous deux pour des besognes criminelles. Je flaire un secret, un vilain secret, dans cette chambre. Je m'imaginais d'abord que notre ami pouvait avoir dans sa collection un objet dont lui-même ne soupçonnait pas la valeur et qui mérita l'attention d'un malfaiteur de la grande espèce. Mais le fait que Presbury, le sinistre Presbury, habite à cet appartement, donne à toute l'intrigue une signification plus profonde. Nous n'avons maintenant, Watson, qu'à prendre patience et voir venir les choses. Les choses ne tardèrent pas à venir. Entendant s'ouvrir et se refermer la porte du dehors, nous nous rencognâmes encore dans l'ombre de notre cachette. Il se fit un bruit de clé à la porte de la chambre. L'Américain entra. Il repoussa doucement la porte, s'assura d'un regard circulaire qu'il n'avait rien à craindre, ôta son pardessus et s'avança vers la table centrale de l'air d'un homme qui sait exactement ce qu'il doit faire et comment le faire. Il déplaça la table, souleva le côté du tapis devenu libre, le roula, puis tirant de la poche intérieure de son veston une pince Monseigneur, il commença d'agir vigoureusement sur le plancher. Bientôt nous entendîmes glisser des lames, un carré du plancher s'ouvrit, Ivans le tueur frotta une allumette, alluma un bout de bougie et disparut. C'était pour nous le moment de paraître. Holmes m'en donna le signal en me touchant au poignet. À pas de loup, nous nous dirigeâmes ensemble vers l'ouverture de la trappe. Mais pour discrète que fut notre marche, le plancher craqua probablement sous nos pieds, car une figure inquiète qui se tournait de tous les côtés avait surgi soudain de l'ouverture. Elle eut, dans l'instant où ses yeux se posaient sur nous, une expression de dépit et de rage, qui peu à peu fit place à une grimace de confusion devant la menace de nos deux revolvers braqués. « Bien, bien, » fit l'Américain froidement quand il fut remonté à notre niveau. « Vous étiez trop malin pour moi, monsieur Holmes. Vous aviez lu d'emblée dans mon jeu. Vous vous êtes amusé de moi comme d'un enfant au maillot. Soit, monsieur, je jette mes cartes. Je vous donne partie gagnée. » Ces mots à peine prononcés, démasquant un revolver placé sous son gilet, il le déchargeait à deux reprises. Je sentis à la cuisse une brûlure comme si l'on m'y eût appliqué un fer rouge. Puis j'entendis un bruit sec. Holmes venait d'abattre sur le crâne d'Evans la crosse de son revolver. Je vis le malfaiteur tout ensanglanté tomber tout de son long et mon ami le palper, le fouiller pour le débarrasser de ses armes. Enfin Holmes m'entoura de ses bras nerveux et me conduisit à un siège. « Vous n'êtes pas blessé, Watson ?»« Au nom du ciel, dites-moi que vous n'êtes pas blessé !» De mesurer la profondeur, la sincérité d'affection que dissimulait ce masque habituellement impassible, cela valait certes une blessure, et même plusieurs. Un instant, les deux yeux si clairs se brouillèrent, un tremblement agita les lèvres si fermes. Holmes me révélait le grand cœur qui, chez lui, s'unissait à un grand cerveau. Mes années de modeste mais loyaux service trouvaient dans cette minute leur couronnement. Ce n'est rien, Holmes, une simple égratignure. Il avait fendu mon pantalon avec son couteau. « Vous avez raison, » dit-il en poussant un grand soupir de soulagement. « C'est tout à fait superficiel. » Son visage redevint comme de pierre à la vue de notre prisonnier, qui s'était dressé sur son séant et le considérait d'un air stupide. « Pardieu, félicitez-vous que Watson n'ait pas de mal, car si vous l'aviez tué, vous ne sortiriez pas vivant de cette chambre. Maintenant, monsieur, qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» L'Américain n'avait, pour sa défense, rien à dire. Il ne sut que rester quoi, les sourcils froncés. Je me penchai sur le bras de Holmes, et je regardais avec lui l'intérieur du petit réduit souterrain qu'avait découvert la trappe secrète. La bougie qu'Evans avait descendue l'éclairait encore. On apercevait une grande machine rouillée, des rouleaux de papier, des tas de bouteilles, des liasses nombreuses de petits billets disposés en bon ordre sur une table. Une presse à imprimer, l'attirail complet d'un faux-monnayeur, fit Holmes. D'un faux-monnayeur, oui, monsieur, dit alors l'Américain, en se relevant tant bien que mal pour se laisser choir sur une chaise, et du plus fameux des faux-monnayeurs qui se soit jamais vu à Londres. Cette machine est celle de Presbury. Silias vous représente 2000 billets de banque, tous au chiffre de 100 livres. Ils auraient cours n'importe où. Messieurs, faisons une affaire. Servez-vous et topons-la. Ce genre d'affaire n'est pas dans nos habitudes, monsieur Evans. Il n'y a pas de cachette pour vous en Angleterre. Vous aviez tué ce Presbury, n'est-ce pas? Il m'avait provoqué. Ce qui n'empêche pas que j'en ai eu pour 5 ans. 5 ans, monsieur. Quand je méritais la médaille d'or, et grande comme une assiette à soupe, pas un homme vivant ne distinguerait un billet Presbury d'un billet de la Banque d'Angleterre. Je l'aurais laissé continuer que Londres en serait inondée. Seul au monde, je savais où il les fabriquait. Vous étonnerez-vous si je tenais à rester maître de la place, et si, quand j'y trouvais un maniaque imbécile, au nom saugrenu, installé à demeure et n'en bougeant pas, je dus m'ingénier pour qu'il me laissât le champ libre. Peut-être aurais-je dû m'en défaire tout de bon, ça m'était facile. Mais voilà, j'ai du cœur. Je ne sais jouer des revolvers qu'autant qu'on m'en menace. Après tout, dites-le franchement, qu'ai-je fait de mal, monsieur Holmes? Je ne me suis servi ni de la planche à billets, ni des billets même. Je n'ai pas touché au vieux Maccabée. Que me reprocheriez-vous? Simplement une tentative de meurtre, ce qu'il me semble, répondit Holmes. Mais cela ne nous regarde plus, nous passons la main. Nous ne voulions, nous, que savoir qui vous êtes. Pour le reste, Watson, vous voudrez bien aller faire un tour à Scotland Yard. Votre visite n'y surprendra personne. Tels sont les faits concernant Evans le tueur et sa remarquable invention des trois guerriers d'Eb. Nous sûmes plus tard que notre pauvre vieil ami le collectionneur n'avait pu se remettre du choc que lui avait causé l'effondrement de ses rêves. Son château de cartes, en tombant sur lui, l'avait écrasé. Il était en dernier lieu dans une maison de santé à Brixton. Ce fut pour Scotland Yard un heureux jour que celui où l'on découvrit l'outillage de Presbury. Bien qu'on en connût l'existence, on n'était jamais parvenu à le dénicher. Assurément, Evans avait rendu à la société un grand service, et bien des agents du service des recherches lui durent de pouvoir dormir sur les deux oreilles, car le faux monnayeur est un danger public. Ils eussent volontiers souscrit pour la médaille grande comme une assiette à soupe, dont Evans se jugeait digne. Malheureusement, la cour d'assises lui fut moins indulgente. Elle le rendit aux ombres d'où il venait de sortir. Ainsi s'achève Les Trois Guerriers d'Eb par Arthur Conan Doyle.